arriva le mois d'août, époque de son deuxième examen. D'après l'opinion courante, 15 jours devaient suffire pour en préparer les matières. Frédéric, ne doutant pas de ses forces, avala d'emblée les 4 premiers livres du code de procédure, les 3 premiers du code pénal, plusieurs morceaux d'instruction criminelle et une partie du code civil, avec des annotations de M. Poncelet. La veille, Deslauriers lui fit faire une récapitulation qui se prolongea jusqu'au matin. Et pour mettre à profit le dernier quart d'heure, il continua à l'interroger sur le trottoir tout en marchant. Comme plusieurs examens se passaient simultanément, il y avait beaucoup de monde à la cour, entre autres Hussonnet et Sisi. On ne manquait pas de venir à ces épreuves quand il s'agissait des camarades. Frédéric endossa la robe noire traditionnelle, puis il entra, suivi de la foule, avec 3 autres étudiants, dans une grande pièce, éclairée par des fenêtres sans rideaux et garnie de banquettes le long des murs. Au milieu, des chaises de cuir entouraient une table décorée d'un tapis vert. Elle séparait les candidats de messieurs les examinateurs en robe rouge, tous portant des chausses d'hermine sur l'épaule, avec des toques à galons d'or sur le chef. Frédéric se trouvait l'avant-dernier dans la série, position mauvaise. À la première question sur la différence entre une convention et un contrat, il définit l'une pour l'autre. Et le professeur, un brave homme, lui dit « Ne vous troublez pas, monsieur, remettez-vous. » Puis, ayant fait 2 demandes faciles, suivies de réponses obscures, il passa enfin au quatrième. Frédéric fut démoralisé par ce piètre commencement. Deslauriers, en face, dans le public, lui faisait signe que tout n'était pas encore perdu. Et à la deuxième interrogation, sur le droit criminel, il se montra passable. Mais, après la troisième, relative au testament mystique, l'examinateur étant resté impassible tout le temps, son angoisse se redoubla, car Hussonnet joignait les mains comme pour applaudir, tandis que Deslauriers prodiguait les haussements d'épaule. Enfin, le moment arriva où il fallut répondre sur la procédure.